La matina voiture à Sika, Femena chérie, Gana et Tokei, pas mi pro et à Pekini, Chuchu au Pesanga qui donne à Milakisa. L'Ocomina Congo et à émancipation, moi c'est mon balise. Chuchu son mélanga voiture à manquer, Gana tabouisaka, pauvre de Mayo. Sokia nimi yeenga moko na kopona Marke ya vati kukoso melanga Nalingi na kaeskota moke Oye bibi na seja wana vati ya jos Pay and with a voiture, a malam mingi. Soko pièces zangi. tout